Mais elle a fait avec son âme le vin charmant à toute épreuve. Et nous disons merci madame, et nous disons merci madame, et nous disons merci madame. Боленька, потом.